Quand je dors, je vois des choses étranges. Des souvenirs. Pas des souvenirs. Des choses nouvelles. Je vois tout. Ah, crois-moi, tu n'as encore rien vu. Journée.